Toujours à l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, les expositions de Kim Il-sung et de Kim Jong-il ont eu lieu à Nakodka du territoire maritime de Russie, à Dalian et à Tandung de Chine et à Ulaanbaatar de Mongolie. Dans les galeries, ont été exposées également les photos des activités révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, avec des centaines de fleurs d'honneur. Au service d'inauguration, ont participé des personnalités et des habitants de tous les milieux des pays hôtes.